Chapitre 4. Mrs. LeCount rentra au salon, tenant d'une main le fragment enlevé à la robe de Magdalene et de l'autre la lettre du capitaine Rigg. « Vous êtes-vous débarrassé d'elle ?» demanda Mr. Noel Vanstone. « Avez-vous enfin refermé la porte sur Miss Garth ?»« Eh, monsieur, ne lui donnez plus, non !» dit Mrs. LeCount avec un sourire de mépris. « Elle n'est pas plus Miss Garth que vous ne l'êtes vous-même. » « Nous avons eu le bénéfice d'une petite comédie fort bien exécutée. Et si nous avions dépouillé notre visiteuse de son déguisement, savez-vous bien ce que nous aurions trouvé ? Miss Vanstone en personne. Voici, monsieur, une lettre que le facteur vient d'apporter. » Elle déposa la lettre sur la table, à portée de son maître. L'émerveillement de Mr. Noel Vanstone devant la découverte qu'on venait de lui faire concentrait toute son attention sur le visage de la femme de charge. Il n'eut pas même l'idée de regarder la lettre qu'elle plaçait devant lui. « Soyez bien sûr de ce que je vous dis, monsieur, » continua Mrs. LeCount, prenant tranquillement une chaise. « Une fois rentrée, notre visiteuse renfermera ses cheveux gris dans une boîte et guérira immédiatement sa terrible ophtalmie avec une éponge et un peu d'eau chaude. Si elle avait peint les rides qu'elle a sur le visage aussi bien que l'inflammation dont ses yeux semblaient souffrir, le jour ne m'aurait rien révélé. J'y aurais été prise, bien certainement. Mais je voyais ces fausses rides, je discernais sous ce teint flétri un jeune et frais épiderme. J'entendais vibrer dans ce salon les sincères accents de la colère, à côté des fausses intonations d'une voix simulée, et je ne crois pas un seul détail de l'aspect sous lequel cette dame s'est offerte. À mon avis, monsieur Noël, c'était la jeune fille elle-même, et certes, la jeune fille a du front. « Pourquoi n'avez-vous pas fermé la porte et envoyé chercher la police ?» demanda Mr. Noel. « C'est ce qu'eût fait mon père, très certainement. Vous savez aussi bien que moi, LeCount, que mon père aurait envoyé chercher la police. »« Pardon, monsieur, » dit Mrs. LeCount. « Votre père aurait attendu que la police eût quelque chose de plus à faire. Nos griefs sont encore insuffisants. Nous reverrons cette personne, monsieur. Peut-être, la prochaine fois, reviendra-t-elle avec ses propres traits et sa propre voix? Je suis curieuse de savoir quelle figure est la sienne, curieuse de savoir si ce que j'ai entendu de sa voix, ça et là, dans des moments de colère, me permettra de reconnaître cette voix quand elle est calme et posée. Je possède, sans qu'elle s'en doute, un petit souvenir de sa visite, et elle ne m'échappera pas aussi facilement qu'elle le croit. Si ce souvenir nous devient utile, vous saurez en quoi il consiste. Sinon, je m'abstiendrai de vous troubler pour une bagatelle semblable. Permettez-moi, monsieur, de vous rappeler la lettre que vous avez sous la main. Vous n'y avez pas encore jeté les yeux. » Mr. Noel Vanstone ouvrit la lettre. Dès que ses yeux furent tombés sur les premières lignes, il tressaillit, il hésita, et parcourut précipitamment tout le reste. Le papier, ensuite, échappa de sa main, et il se laissa retomber dans son fauteuil. Mrs. LeCount, qui fut debout en un instant avec la promptitude d'une jeune femme, ramassa aussitôt la lettre. « Qu'est-il arrivé, monsieur ? » demanda-t-elle. Son visage, comme elle posait cette question, s'altéra notablement. Ses grands yeux noirs prirent une expression dure et menaçante. Sa surprise et son effroi n'avaient rien de joué. « Envoyez chercher la police !» s'écria son maître. « J'insiste, LeCount, pour qu'on me protège. Envoyez chercher la police !» « Puis-je lire la lettre, monsieur ?» Il y consentit par un faible mouvement de main. Mrs. LeCount fit cette lecture avec attention, et quand elle eut fini, posa la lettre sur la table sans prononcer une parole. « N'avez-vous rien à me dire ?» demanda Mr. Noel Vanstone, qui regardait la femme de charge avec un trouble et un embarras extrême. « LeCount, on veut me voler !» « Le drôle qui a écrit cette lettre est au courant de tout et ne dira rien si on ne le paye. » On veut me voler. Il y a sur cette table pour plusieurs mille livres d'objets précieux, d'objets qu'on ne pourrait remplacer, d'objets que toutes les têtes couronnées de l'Europe, le voulustel, ne sauraient se procurer. Mettez-moi sous clé, LeCount, et envoyez quérir la police. » Au lieu d'envoyer chercher la police, Mrs. LeCount prit sur la cheminée un grand éventail de papier vert et s'assit en face de son maître. « Vous êtes agité, monsieur Noël, » disait-elle. « Vous vous échauffez. Laissez-moi vous rafraîchir. » Le visage aussi dur que jamais, avec moins de tendresse dans le regard ou dans le geste que bien des femmes n'en auraient montré en tirant d'affaire une mouche prête de se noyer dans un pot de crème, silencieusement, patiemment, elle l'éventa durant au moins 5 minutes. Aucun œil expérimenté, remarquant la pâleur bleuâtre du teint de Mr. Vanstone et la difficulté prononcée avec laquelle il respirait, n'aurait méconnu l'état où était chez cet homme le principal organe de la vie. Il était facile de voir que la femme de charge avait dit vrai, en présentant cet organe comme trop faible pour les fonctions qu'il avait à remplir. Le cœur accomplissait ses fonctions aussi péniblement que si l'âge l'eût déjà glacé à demi. « Êtes-vous soulagé, monsieur ?» demanda Mrs. LeCount. « Pouvez-vous réfléchir ? Vous est-il loisible d'envisager tout ceci avec tant soit peu de sang-froid ?» Elle se leva et posa la main sur le cœur de son maître avec autant d'attention machinale et aussi peu de véritable intérêt que si elle eût tâté les assiettes du dîner pour s'assurer qu'elle fût chauffée au degré convenable. « Oui, » continua-t-elle, se rasseyant et reprenant l'éventail, « vous allez déjà bien mieux, monsieur Noël. Ne me faites pas de questions sur cette lettre anonyme, avant d'y avoir pensé vous-même et de m'en avoir dit votre opinion. » Elle continuait de l'éventer et tout le temps le regardait fixement au visage. « Réfléchissez, » disait-elle. « Réfléchissez, monsieur, sans vous donner la peine d'exprimer vos réflexions. Fiez-vous-en, pour les deviner, à ma sympathique pénétration. » « Oui, Mr. Noël, cette lettre est une misérable tentative qui a pour but de vous effrayer. Que dit-elle, au fond ? Que vous êtes l'objet d'un complot dirigé par Miss Vanstone, mais cela, nous le savions déjà. La dame aux yeux échauffés ne nous l'avait point laissé ignorer. Ce complot, nous nous en moquons. Que dit ensuite la lettre ? Que celui qui l'a écrite pourra vous donner de précieux renseignements si vous êtes disposé à les payer. » « Comment, tout à l'heure, monsieur, venez-vous de qualifier ce personnage ?»« Je l'ai qualifié de coquin, » dit Mr. Noël Vanstone, qui, retrouvant peu à peu sa confiance en lui-même, se redressait par degrés dans son fauteuil. « En ceci, monsieur, comme en tout le reste, je suis parfaitement d'accord avec vous, » continua Mrs. LeCount. « Ou bien cet homme est un coquin, possédant réellement les renseignements dont il parle, ou bien c'est un porte-parole de Miss Vanstone, » qui lui aura fait écrire cette lettre pour tâcher de nous embarrasser par une nouvelle forme de déguisement. Que la lettre soit sincère ou qu'elle soit fausse, n'est-il pas vrai que j'y lis clairement dans vos pensées, monsieur Noël ? Vous en savez trop long pour mettre vos ennemis sur leur garde en faisant prématurément intervenir la police. Eh bien, là-dessus encore, je partage complètement votre opinion. C'est plus tard qu'il faudra faire agir la police. En attendant, vous laisserez croire à cet homme ou à cette femme anonyme que vous vous effrayez facilement. En regard du piège tendu à votre argent, vous tendrez un piège aux renseignements promis. Vous répondrez à la lettre et verrez venir la réponse. Enfin, vous ne payerez les salaires dus à la police lorsque la met en mouvement que lorsque cette dépense sera réellement devenue nécessaire. Là-dessus encore, je suis de votre avis. Évitons les frais inutiles. Vous le voyez, monsieur Noël, il n'est pas un détail sur lequel ma pensée ne concorde parfaitement avec la vôtre. « N'est-ce pas, LeCount, que cela vous frappe ainsi ?» dit Mr. Noël Vanstone. « C'est là justement ce que je pensais. Si je puis me passer d'elle, la police n'aura pas de moi un seul farthing. » Il reprit la lettre, dont une seconde lecture lui rendit en partie ses inquiétudes et ses agitations premières. « Mais, s'écria-t-il avec impatience, cet homme veut de l'argent. Vous semblez oublier, LeCount, que cet homme veut de l'argent. De l'argent que vous lui offrirez, monsieur, répondit Mrs. LeCount. Mais comme vous l'avez déjà pressenti, de l'argent que vous ne lui donnerez pas. Ah bien oui. Vous dites à cet homme, tendez la main, monsieur. Et quand il l'a tendue, vous lui donnez pour sa peine une bonne férule. Après quoi vous remettez votre main dans votre poche. Que j'aime à vous voir rire ainsi, monsieur Noël. Que j'aime à vous voir reprendre votre bonne humeur. Nous répondrons à la lettre par la voie des annonces, comme le demande notre correspondant. Une annonce ne coûte guère. Votre pauvre main me semble trembler un peu. Voulez-vous que je tienne la plume à votre place ? Je ne puis malheureusement en faire mieux, mais je puis toujours promettre de tenir la plume. » Sans attendre qu'il eût répondu, elle passa dans la pièce du fond et revint avec tout ce qu'il fallait pour écrire, arrangeant un buvard sur ses genoux, et offrant aux yeux le plus parfait spécimen d'une soumission joyeuse, elle se replaça devant le fauteuil de son maître. « Voyez-vous, monsieur, que j'écrive sous votre dictée ? » demanda-t-elle. « Ou bien vais-je faire un croquis de lettres que vous vous chargerez de corriger ensuite ?»« Bah, je ferai un petit croquis. Voyons la lettre. » L'annonce doit être faite dans le Times et adressée à un ami inconnu. « Que dirais-je, monsieur Noël ?»« Un moment. Je vais d'abord écrire et vous reverrai ensuite. » Un ami inconnu est prié de faire savoir, par la voix des annonces, l'adresse où on pourra lui écrire. Les renseignements qu'il offre lui vaudront, une fois donnés, à titre de récompense, une somme de... « Quelle somme, monsieur, voulez-vous que je fixe ?»« Ne fixez rien !» dit Mr. Noël Vanstone avec une brusque saillie d'impatience. « Les affaires d'argent me regardent. C'est moi, le Count, que regardent les affaires d'argent. Ne vous en mêlez pas, je vous en prie. »« Vous avez raison, monsieur, » répondit Mrs. Le Count, qui passa immédiatement le buvard à son maître. Vous comprendrez la nécessité de faire des offres libérales, sachant surtout qu'elles ne doivent pas être réalisées. Ne dictez pas, Lecount. Je n'entends pas que l'on dicte ma conduite, dit Mr. Noël Vanstone, revendiquant son indépendance avec une impatience de plus en plus marquée. Je veux conduire cette affaire-là moi-même. Après tout, Lecount, je suis le maître. Oui, monsieur, vous êtes le maître. Mon père était le maître avant moi et je suis le fils de mon père. « Entendez-vous, Lecount, je suis le fils de mon père. » Mrs. Lecount s'inclina d'un air soumis. « Je prétends fixer la somme que j'aurais jugée convenable, » poursuivit Mr. Noël Vanstone, qui agitait avec véhémence sa petite tête blondasse. « Je prétends envoyer moi-même cette annonce. La domestique la portera de ma part chez le papetier, qui se chargera de l'insertion dans le Times. Quand je sonnerai deux fois, vous m'enverrez la domestique. » « Vous entendez, Lecount, il faudra m'envoyer la domestique. » Mrs. Lecount s'inclina de nouveau et lentement se dirigea vers la porte. Elle savait, à un iota près, quand il fallait guider son maître, quand il fallait le laisser à lui-même. Une longue expérience l'avait instruite à le gouverner sur tous les points essentiels, en lui cédant ensuite sur tous les détails insignifiants. C'était un trait caractéristique de sa faiblesse, comme de presque toute faiblesse analogue, de vouloir à tout prix l'emporter pour des bagatelles. Remplir le chiffre laissé en blanc sur l'annonce était, dans le cas présent, ce qui importait le moins. Et Mrs. Lecount, dès qu'elle vit son maître, la soupçonnait de lui faire faire ce qu'elle voulait, se hâta de le calmer par une concession immédiate. « Mon mulet a rué, » se disait-elle dans sa langue native en ouvrant la porte. « De toute la journée, on n'en pourra plus faire façon. »« Lecount !» cria son maître au moment où elle mettait le pied dans le corridor. « Revenez !» Mrs. Lecount revint. « Vous n'êtes pas fâché contre moi, n'est-ce pas ?» demanda Noël Vanstone, qui n'avait pas l'air tout à fait rassuré. « Positivement, non, monsieur, » répliqua Mrs. Lecount. « Comme vous venez de le dire, vous êtes le maître. »« Bonne créature, votre main, je vous prie. » Il baisa sa main et se prit à sourire, évidemment très satisfait de cet affectueux procédé. « Lecount ?» ajouta-t-il, « vous êtes une digne créature. »« Merci, monsieur, » dit Mrs. Lecount, et après une révérence, elle s'en alla. S'il y avait tant soit peu de cervelle dans cette tête de singe, se disait-elle, en longeant le couloir, quel misérable cela ferait. Resté seul, Noël Vanstone s'absorbait dans les perplexités que lui causait ce blanc à remplir pour compléter l'annonce. L'insinuation que Mrs. Lecount avait hasardée, sans nécessité apparente, sur la libéralité à mettre dans des offres qu'il ne devait pas réaliser, était fondée sur l'intime connaissance qu'elle avait de son caractère. Il avait hérité de son père un sordide amour de l'or, sans hériter en même temps de la capacité que déployait son père dans l'emploi des capitaux qu'il aimait à grossir. Son avarice constitutionnelle était telle que la simple perspective de se montrer libéral, fût-ce seulement en théorie, le faisait reculer. Il prit la plume, puis la posa de côté et se mit à lire pour la troisième fois la lettre anonyme, en secouant la tête d'un air méfiant. « Si j'offre à cet homme une somme importante, se dit-il tout à coup, comment m'assurer qu'il ne trouvera pas quelque moyen de m'obliger à la lui payer ? Les femmes se pressent toujours, les comptes se pressent toujours. J'ai toute l'après-midi devant moi. Je me donnerai toute l'après-midi pour réfléchir à cette affaire. » Il déposa précipitamment le buvard et le croquis d'annonce sur le fauteuil que Mrs. Lecount venait de quitter. En revenant lui-même vers son propre siège, il secoua solennellement sa petite tête et arrangea sa robe de chambre blanche sur ses genoux de l'air d'un homme qui s'abîme dans les pensées les plus compliquées. Les minutes suivirent les minutes, les quarts d'heure et les demi-heures se succédèrent sur la montre de Mrs. LeCount, et Noël Vanstone restait perdu dans ses doutes. La sonnette du salon, censée avertir la domestique, ne retentit pas. Après avoir quitté Mrs. LeCount, Magdalene, cependant, s'était gardée de rentrer directement chez elle et avait fait auparavant un assez long circuit dans le voisinage. Lorsqu'elle se retrouva plus tard dans Vauxhall Walk, le premier objet qui attira son attention fut un fiacre arrêté devant la porte d'un meublé. Quelques pas plus loin, elle aperçut la fille de sa logeuse, debout près de la portière, et occupée à discuter avec le cocher à propos du prix qu'il réclamait. Remarquant que cette jeune fille lui tournait le dos, Magdalene profita immédiatement de cette circonstance pour l'introduire dans la maison sans être aperçue. Elle se glissa dans le couloir, monta l'escalier et se trouva sur le palier du premier étage, nez à nez avec sa compagne de voyage. Mrs. Reig était là, tenant dans ses bras et sur son cœur une véritable pyramide de petits paquets et attendant avec inquiétude l'issue de la discussion soulevée dans la rue par les prétentions du cocher. Battre en retraite était impossible, le bruit des voix irritées qu'on entendait en bas semblait avancer dans le corridor. Hésiter ne servait à rien et pouvait tout compromettre. Il n'y avait donc qu'un parti à prendre, celui d'aller de l'avant, et Magdalene le prit aveuglément. Sans mot dire, elle écarta Mrs. Reig, courut se réfugier dans la chambre, enleva d'un tour de main son manteau, son chapeau, ses faux cheveux, et les jeta hors de vue dans l'espace vide qui existait entre le mur et le sofa où elle dormait. Au premier moment, la surprise coupa la parole à Mrs. Reig et la cloua littéralement à l'endroit où elle se tenait. Mais deux des paquets entassés dans ses bras vinrent tomber sur les marches et la vue de cette catastrophe la tira de son ébahissement. « Au voleur !» cria Mrs. Reig par une inspiration subite. « Au voleur !» Magdalene l'entendit à travers la porte de sa chambre qu'elle ne s'était pas donné le temps de refermer tout à fait. « Est-ce vous, Mrs. Reig ? » cria-t-elle de sa voix la plus vraie. « Qu'y a-t-il donc ?» Tout en parlant, elle avait saisi une serviette, l'imbibait d'eau, et la promenait rapidement sur le bas de son visage. Au bruit de cette voix connue, Mrs. Reig se tourna, laissa tomber un troisième paquet et, ne songeant pas à le relever dans son ébahissement, gravit en courant le second étage. Magdalene sortit au même moment sur le premier palier, tenant sur son front la serviette mouillée, comme si elle souffrait de la tête. Il lui fallait le temps d'ôter ses faux sourcils, et cette migraine d'occasion lui fournissait, pour les cacher, le plus plausible de tous les prétextes. « Pourquoi déranger toute la maison ? » demanda-t-elle. « Veuillez donc vous tenir tranquille, j'y vois à peine tant j'ai mal à la tête. »« Quelque chose là-haut, madame ? » demanda l'hôtesse arrêtée au pied de l'escalier. « Pas le moins du monde, » répondit Magdalene. « Mon ami est fort timide. Cette dispute avec le cocher l'a toute bouleversée. Payez à cet homme ce qu'il demande et renvoyez-le bien vite. »« Où est-elle ? » demanda Mrs. Reig d'une voix basse et tremblante. « Où est la femme qui, en passant tout contre moi, s'est faufilée chez vous ?»« Allons donc, » dit Magdalene. « Aucune femme ne s'est faufilée chez moi, comme vous dites. Entrez plutôt et regardez vous-même. » Elle poussa le battant de la porte. Mrs. Reig entra dans la chambre, regarda de tous côtés, ne vit personne, et manifesta son étonnement en laissant tomber un quatrième paquet tandis qu'elle tremblait de la tête aux pieds. « Je l'ai vu entrer ici, » dit Mrs. Reig, dont l'accent indiquait assez les superstitieuses terreurs. « Une femme en manteau gris, avec un chapeau d'il y a 10 ans. Une femme sans éducation, elle m'a bousculé sur le palier, je vous l'assure. Et voici la chambre, et pas de femme dedans. » « Un prayer book, s'il vous plaît !» s'écria Mrs. Reig, pâle comme une morte, et qui laissa tomber autour d'elle, comme une petite cascade, tout ce qui lui restait d'objets sur les bras. « J'ai besoin de lire quelques bonnes paroles. J'ai besoin de penser à ma fin dernière. Je viens, très certainement, de voir un fantôme. »« Allons donc, vous rêvez, » dit Magdalene. « Vous avez fait trop d'emplettes. C'est la fatigue, et c'est la joie. Rentrez chez vous et ôtez votre chapeau. » « J'ai entendu parler de fantômes en robe de chambre, de fantômes en linceul, de fantômes traînant des chaînes. » continua Mrs. Reig, qui demeurait pétrifiée au milieu du cercle magique dont l'avait entouré en tombant tous ses petits trésors de mercerie et de lingerie. Mais voici un fantôme bien pire, en manteau gris et avec un chapeau d'il y a 10 ans. Je sais ce que c'est, reprit-elle, pleurant de compunction. C'est le châtiment que j'ai mérité en me trouvant si heureuse loin de mon mari. Comme aussi pour avoir couru la moitié des magasins de Londres avec mes souliers en pantoufles, tantôt le pied droit, tantôt le pied gauche. Je suis une vraie pécheresse, ne me quittez pas. N'importe quel prix, ma chère, ne me quittez pas. Elle s'était cramponnée au bras de Magdalène, et à l'idée qu'on pourrait la laisser seule, son tremblement la reprit de plus belle. Dans une situation comme celle-ci, rien de mieux à faire que de céder aux circonstances. Magdalène conduisit Mrs. Reig vers un fauteuil qu'elle eut soin de placer d'abord dans une position qui lui permit de tourner le dos à sa compagne, pendant qu'avec un peu d'eau, elle ferait disparaître ses faux sourcils. « Restez là une minute, » lui dit-elle, « et pendant que je baigne ma tête, voyez s'il est possible de vous calmer. »« Me calmer ?» répéta Mrs. Reig. « Comment voulez-vous que je me calme quand il me semble que ma tête quitte mes épaules ?» Le pire bourdonnement que m'ait jamais donné le livre de cuisine était rien, mais rien du tout auprès de celui que m'a donné le fantôme. Voilà des vacances qui finissent bien mal. Vous pouvez, ma chère, me ramener quand il vous plaira. J'en ai déjà bien assez. » Magdalène, qui était enfin parvenue à se débarrasser de ses sourcils factices, put employer tout son esprit à combattre la déplorable impression produite par ce malheureux hasard sur l'esprit de sa compagne. Mais ce fut en vain qu'elle déploya toutes ses facultés persuasives. Mrs. Reig persista sur des témoignages qui, nous pouvons le remarquer en passant, auraient suffi à des voyants plus sensés qu'elle, dans l'opinion qu'elle avait reçu la faveur surhumaine d'une visitation fantastique. Tout ce que Magdalène put faire fut de s'assurer, par quelques questions bien ménagées, que Mrs. Reig n'avait pas eu le coup d'œil assez prompt pour identifier le prétendu fantôme avec le personnage de la vieille dame des Comtés du Nord, tel qu'il figurait dans le divertissement dramatique. Rassurée à ce sujet, elle ne pouvait plus que se fier, pour le reste, à cette incapacité de conserver aucune impression, si ce n'est celle qu'on prenait soin de renouveler à chaque instant, laquelle était une des infirmités caractéristiques de la faible intelligence de Mrs. Reig. Quand elle eut rassuré la pauvre idiote en lui démontrant que d'après le code spécial qui régit les esprits, une apparition ne signifie rien, à moins d'être immédiatement suivie de 2 autres. Après avoir patiemment ramené son attention sur les paquets semés çà et là le long des escaliers, après lui avoir enfin promis de tenir entr'ouverte la porte de communication entre les 2 chambres, si Mrs. Reig, de son côté, s'engageait à rentrer chez elle et à ne plus parler de ce terrible fantôme, Magdalène put enfin réfléchir tout à son aise sur les événements de cette mémorable journée. Dès la première démarche qu'elle eut hasardée, 2 conséquences très graves résultaient déjà. Mrs. LeCount, au moyen d'une surprise, l'avait amenée à se servir de sa voix naturelle, et le hasard l'avait placée dans son costume d'emprunt en face de Mrs. Reig. Par compensation de ces désastres, qu'avait-elle donc gagné ? D'abord, l'avantage d'en savoir plus long sur le compte de Noël Vanstone et de Mrs. LeCount, qu'elle n'aurait découvert en plusieurs mois si l'enquête eût été menée par d'autres qu'elle. Déjà se trouvait dissipée une des incertitudes qui jusqu'alors avait embarrassé sa marche. Le plan qu'elle avait secrètement dressé contre Michel Vanstone, plan que la subtile pénétration du capitaine Reig avait deviné en partie, quand elle lui avait notifié la rupture provisoire de leur association, ce plan devait évidemment être abandonné, comme inapplicable au fils de Michel Vanstone. Les habitudes spéculatrices du père étaient le pivot sur lequel devaient tourner tous les rouages de la conspiration préméditée par elle. Ce côté faible n'existait pas dans le caractère du fils, d'une avarice plus étroite et plus compliquée. Mr. Noël Vanstone était invulnérable, là précisément où son père offrait la seule prise qui permit de l'atteindre. Arrivée à cette conclusion, quelle marche Magdalène adopterait-elle pour l'avenir ? Quels moyens nouveaux découvrirait-elle qui puissent la conduire secrètement à son but, malgré la vigilance haineuse de Mrs. LeCount, malgré la méfiance sordide de Noël Vanstone ? Elle était assise devant son miroir et arrangeait machinalement sa chevelure, tandis qu'elle débattait avec elle-même ses déterminations si essentielles. L'agitation à laquelle elle était en proie communiquait à ses joues une rougeur fiévreuse, à ses grands yeux gris un éclat extraordinaire. Elle avait conscience d'être, à ce moment, plus belle que jamais. Elle voyait combien, après son hideux travestissement, sa beauté gagnait à la comparaison. Ses cheveux bruns, d'une nuance claire, semblaient plus épais et plus soyeux que jamais, s'échappant de la captivité que leur avait faite le tour de faux cheveux gris. Elle enroulait et déroulait les boucles, les massait sur ses épaules, les rejetant ensuite en arrière, et se tournant de profil pour en suivre les ruissellements moirés. Elle contemplait ses blanches épaules, libres maintenant des difformités artificielles que leur imposait naguère le manteau garni par les mains du capitaine. Après un moment, elle fit de nouveau face au miroir, plongea ses deux mains dans sa chevelure et, accoudée à la table, contempla de plus en plus attentivement son image jusqu'au moment où, sous son haleine ardente, le verre sembla se ternir. « Oui, » pensait-elle avec un sourire altier et triomphant, « tant que je serai ce que je suis, j'aurai pour esclave tout homme qu'il me plaira d'asservir. Si ce méprisable personnage me voyait maintenant... » Mais cette pensée, quand elle voulut la suivre jusqu'au bout, la fit tout à coup se prendre en horreur. Elle se rejeta toute frissonnante, loin de la glace, et cachant son visage dans ses mains. « Oh, Franck, » murmura-t-elle, « sans vous, à quel degré pourrais-je descendre ?» Ses mains fiévreuses allèrent chercher, dans l'abri qu'il ne quittait jamais, le sachet de soie blanc. Ses lèvres le dévorèrent de baisers muets. « Oh, mon Franck, mon ange gardien, combien je vous aime !» Et les larmes montaient à ses yeux. Elle les sécha précipitamment, replaça le sachet où elle l'avait pris, et tournant le dos au miroir. « Ne pensons plus à moi, » disait-elle. « Laissons-la pour aujourd'hui, la misérable, l'insensée que je suis. » Ne voulant plus songer davantage à la voie où son premier pas allait l'engager, effrayée de cet avenir, toujours plus menaçant, auquel désormais s'associait le nom de Noël Vanstone dans ses plus secrètes pensées, elle promenait impatiemment ses regards autour de la chambre, cherchant par quelle occupation vulgaire elle pourrait se distraire d'elle-même. Le déguisement qu'elle avait jeté entre la muraille et le lit lui revint à la mémoire. Il était impossible de l'y laisser. Mrs. Rigg, maintenant occupée à recueillir ses paquets, pourrait se lasser de ce travail, rentrer à l'improviste, passer près du lit et voir le manteau de couleur grise. La première pensée de Magdalene fut de replacer le déguisement dans sa malle. Mais après l'incident du fantôme, il y avait danger à le conserver si près d'elle, tant qu'elle et Mrs. Rigg demeureraient ensemble sous le même toit. Aussi résolut-elle de s'en débarrasser dès le même soir, et alors elle prit le parti de le renvoyer à Birmingham. Son carton à chapeau était adapté à sa malle. Elle l'en retira pour y faire entrer les faux cheveux et le manteau, sans trop se soucier du chapeau, qu'elle aplatit indignement. La robe, qu'elle n'avait pas encore ôtée, était une de celles qu'elle portait habituellement, et ne devait point éveiller l'attention de Mrs. Rigg. Il n'était donc pas nécessaire de renvoyer la robe. Avant de fermer le carton, elle traça rapidement sur une feuille de papier les lignes suivantes. « J'ai emporté par erreur les objets ci inclus. Veuillez les joindre au reste des bagages que je vous ai laissés et me les conserver jusqu'à nouvel ordre. » Fixant ce papier à la forme du chapeau, elle mit ensuite sur le carton l'adresse du capitaine Rigg à Birmingham, le descendit immédiatement et l'expédia par la fille de l'hôtesse au plus prochain bureau de correspondance. « Voilà une difficulté réglée, » pensait-elle en remontant dans sa chambre. Mrs. Rigg était encore occupée à ranger ses paquets sur son étroit petit lit. Elle se tourna, poussant un faible cri, lorsque Magdalene se montra sur la porte pour voir ce qu'elle faisait. « J'ai cru que c'était encore le fantôme, » dit Mrs. Rigg. « Je m'efforce, ma chère, de mettre à profit ce qui m'est arrivé. J'ai rangé tous mes paquets en bon ordre, ainsi que le capitaine aimerait aller voir. Ni l'un ni l'autre de mes souliers n'est en pantoufles. Si je ferme les yeux cette nuit, ce dont je doute, j'aurai soin de m'endormir aussi droite que mes jambes me le permettront. Et de ma vie, je ne demanderai d'autre congé. J'espère, moyennant ce, le pardon d'en haut, » ajouta Mrs. Rigg en secouant tristement la tête. « J'espère humblement que je serai pardonné. » « Pardonné ? répéta Magdalène. « Plutôt ciel que d'autres femmes eussent aussi peu besoin de pardon, allons, allons. Si nous défaisions quelques-uns de ces paquets, j'ai envie de voir ce que vous avez acheté aujourd'hui. » Mrs. Reig hésita. Le remords lui arracha un soupir. Elle réfléchit quelques instants, étendit vers un des paquets une main timide, se remémora la surnaturelle admonition et s'écarta de ses propres emplettes par un effort désespéré d'empire sur elle-même. « Ouvrez celui-ci, » dit Magdalène pour l'encourager. « Voyons, que renferme-t-il ? » Dans les yeux bleus passés de Miss Reig s'allumèrent, en dépit de ses remords, quelques vagues rayonnements. Mais elle secoua la tête en signe d'abstention. La passion qui la dominait pouvait bien encore réclamer ses droits, mais le souvenir du fantôme n'était pas encore effacé. « L'avez-vous eu à bon marché ? » demanda Magdalène sur le ton des confidences. « Pour rien, » répondit la pauvre Mrs. Reig, donnant dans le panneau tête baissée et se jetant sur le paquet avec la même ardeur que si aucun prodige ne fût advenu. Magdalène la tint une heure, et même davantage, à bavarder sur ses petites emplettes. Ensuite, elle prit le sage parti de l'emmener avec elle à la promenade, afin de la mieux distraire de tout souvenir fantastique. Comme elle sortait, elles virent s'ouvrir la porte de la maison habitée par Noël Vanstone et paraître la domestique chargée d'une nouvelle mission. C'était cette fois une lettre qu'elle tenait soigneusement à la main. Certaine de n'avoir encore formé aucun plan, soit pour attaquer, soit pour se défendre, Magdalène se demanda, non sans une appréhension passagère, si Miss LeCount avait déjà conçu l'idée de renouer ses communications avec elle, et si la lettre était adressée à Miss Garth. La lettre ne portait point cette adresse. Mr. Noël Vanstone avait fini par résoudre le problème pécuniaire qu'il s'était posé. Le chiffre laissé en blanc dans la rédaction de l'annonce y avait finalement pris place, et la réponse de Mrs. LeCount à l'avis anonyme du capitaine s'acheminait maintenant vers les colonnes du Times.